quoi tu te rappelles de 15 jours à Istanbul? Alors, en premier, des moments avec vous. Pareil. Là, tout de suite, il vient ouais, le village des Schtroumpfs. Tout qui leur partage, de ce beau panorama. De choses sérieuses et pas sérieuses. Istanbul invisible. Moi, ouais, et les odeurs. The story of a murder. Les odeurs. Les odeurs. It's just that. Here, the radio. Fantôme. Istanbul est un fantôme. In the first place. Pour moi. That he came to Istanbul. C'est une ville fantôme. Yeah, he was murdered. Donc oui, invisible. Alors parce là, que où est-ce que ça commence? Istanbul is a murderer. Yes. Don't you think? Et qu'est-ce que c'est qu'Istanbul? Didn't you see enough? Une famille. Avec une dame, comment on appelle ça les robes comme ça? Et ce que j'entends là maintenant et que je ne vois pas et pourtant qui est sacrément présent. On dirait un enfant et pourtant c'est peut-être un chat. Ça c'est... Et je dis que moi personnellement là d'un coup ça me faisait bizarre parce que je m'attendais, je m'attends à chaque photo à voir apparaître l'image de mon père. Je vois des chats aussi. Yeah, first of all, the first image is we were here in the balcony. We were smoking and talking about what could we do, and you were again making interview. What is invisibility? C'est pas encore fini, je sais pas. J'ai besoin de temps parce que c'était un peu trop peut-être. Parce que quand il y a dit. C'était juste hier, peut-être, qu'on a bavardé, qu'est-ce qu'on fera sur le projet. Puis je me rappelle des moments de rencontre, d'interview, c'est toujours des moments forts. Et les fantômes, je sens beaucoup de fantômes ici. Et je me souviens de quelque chose que je n'ai pas interviewé par contre, mais d'un spectacle d'Esmeraille où elle fait goûter ses moules. Je me souviens de Pascal sur la scène du théâtre en train de bouffer la moule à Esmeraille. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha